Lining. Ah, Liney, Liney, Liney, Liney. Non, ce n'est pas fini, ce n'est qu'un début. Comment vas-tu, les enfants? Je t'ai jamais demandé ça. As-tu des enfants? Mais es-tu marié? T'as-tu un concubin, une concubine? On sait jamais. Hein, c'est vrai, on n'a jamais creusé la question. Comment se passe ton existence sur Terre? Quel âge as-tu? Tellement de questions. Je suis curieux. Alors, la curiosité est un signe d'intelligence, qu'on se le dise. Entre nous, là, entre personnes un peu plus évoluées que la moyenne, quoique, comment fait-on pour évaluer notre compétence intellectuelle? Tout est relatif, on le dit souvent. Pour certains, si tu commences à réussir ta béchamel, c'est bon signe. Pour d'autres, si tu connais l'algèbre, c'est beaucoup. Et pour d'autres, si tu as lu l'œuvre de Marcel Proust, ah là, tu es gagnant pour une place au paradis. Moi, je veux pas de place au paradis. Sauf si Vanessa est là. Vanessa Paradis, bien sûr. Ah, on m'applaudit, on m'applaudit. Et puis, hey, il faut que je vous raconte quelque chose. Et puis, Lainey, tu seras, bien sûr, on appelle ça la confession sur l'oreiller. Mais dans mon cas, je préfère sous l'oreiller parce que, avant d'aller travailler tout à l'heure, j'avais une mèche de cheveux qui me dérangeait énormément. J'ai décidé de prendre mon rasoir et de m'en occuper moi-même. Je me croyais un artisan du cuir chevelu, celui qui pouvait maîtriser la mèche, le cheveu lui-même. Et je me suis rendu compte que j'étais un ringard dans toute son effervescence. Puis ça allumait pas beaucoup, hein, donc ça effervescait pas beaucoup. Non, la luminosité était assez morte, merci. Ah oui, je m'en suis voulu. J'ai juste en bas des oreilles, j'ai encore mes oreilles déjà, là, c'est beaucoup, là. Et faites-vous-en pas, j'entends rire. Là, comprenez-vous? Mes oreilles, j'entends rire. Oh, ça commence fort, hein? On se beau 4. On est le 4. Sommes-nous le 4? Ben oui, toute la journée. Ah, ça commence même là, ça fait quoi? 2 minutes 40 que nous avons changé de jour et c'est ça. Et puis là, hey, quand tu fais une horreur semblable, et tu dois. Moi, je travaille avec le public, hein, ils ont rien vu. Quand je dis rien vu, c'est moi qui me suis arrêté devant certaines clientes et clients en leur disant, regardez le désastre, mais ils sont déjà habitués de me voir. Moi, je suis un brouillon visuellement, là. Ah, ça me réussit pas beaucoup. Je veux dire, le fait d'être visuel, là. Ah, heureusement que je suis à la radio. Oui. Non, pas parce que. Non, c'est parce que. Je suis assez clair, Madame Brisebois. La ricaneuse batteuse. Est-ce une ricaneuse batteuse dans le sens que quand elle rit, elle se tape sur les genoux. C'est pour ça la ricaneuse batteuse. Elle a même une cloche aux genoux. Mais ça fait pas grelin, grelin, ça fait ouch, ouch, ouch. Mais oui, c'est de l'eau qui s'est installée au niveau en dessous de l'épiderme. Là, ça bloque son genou. Ah oui, elle peut plus. Non, non, non, non, non. C'est plus comme avant. Elle me le dit souvent. Je me sentais mieux. Hein. Quand c'était moins drôle, là, moi, je me frappais pas ses genoux, hein, pour. J'étais plus capable. Donc, c'était des spasmes que ma main me lançait, me frappait au genou. Et puis après ça, j'ai eu des bleus. Puis après, les bleus, ça s'est modifié. Ça a grossi, ça a grossi, ça a grossi, ça a grossi. C'est devenu une cloche. Une cloche sonne, sonne, la voix écho en écho. OK, on y va. Avec le 4, on est le 4, madame, mademoiselle, mes yeux. Alors partons à l'aventure, partons dès maintenant dans une ligne d'improvisation de 60 minutes avant d'accueillir mon invité l'heure après. C'est assez clair, c'est deux volets. Premier volet, c'est moi. Deuxième volet, c'est mon invité. Je vous dévoilerai tout à l'heure chaque chose en son temps. OK, on y va. Aujourd'hui, le 4 décembre, j'allais dire juillet, j'ai du hâte à l'été 2023, monte le volume et hume la différence, car c'est parti, mes cheveux et mes amis. On y va, c'est parti. Enregistré au studio des Abeilles dans la vieille capitale et diffusé sur CKRL le 89.1 à Québec, la plus vieille radio communautaire francophone au monde vous propose Errance Rénadienne, une émission baroque et désinvolte. Et voici la bain-fumineuse, le farfadet du surréalisme, le clown le plus imprévisible dans le cercle médiatique actuel, Reynald Gagné! Public en délire, merci. Merci, j'ai encore rien fait. Merci beaucoup. Comme le mentionnait Jim Morrison, Errance Rénadienne, c'est l'émission la plus étrange à laquelle j'ai assisté de toute ma vie. C'est vrai qu'il me l'a dit. Quelques secondes avant d'entrer dans son bain. Mais il n'est jamais mort dans son bain. C'est une légende. Parce que entre vous et moi, on va se dire les vraies affaires, là, hein? On n'a pas peur de la vérité ici, là! Il est mort d'une overdose. Des rançons canadiennes, peut-être. Non, il était dans un pub ou un bar, qui s'appelait, si ma mémoire ne fait pas défaut, le Circus. Le Circus. Et Overdose, s'ils l'ont sorti, là, après ça, ils l'ont garoché dans l'ordre. Ben, il n'y a rien à voir là-dedans. Oliver Stone qui a fabulé là-dessus, mais c'est un mythe de croire. Mais c'est pas c'est vrai qu'il est au Père Lachaise. Je l'ai visité, mais c'est pas grandiose, hein. Il y a absolument rien, c'est caché. Puis depuis le film d'Oliver Stone, là je crois qu'ils l'ont enlevé. Pas Jim Morrison, mais il y avait un agent de sécurité qui était là pour vérifier si tout se passait bien, parce que avant, ben, les gens allaient, quelle horreur, fumer des joints, quelle horreur de la drogue, la débauche du peuple humain. Et puis sinon, mon doux, décembre est passé sous mes pieds comme une pelure de banane. Puis j'ai déjà vérifié, hein, on glisse pas sur une pelure de banane. Encore là, on se fait avoir par la société, on nous fait croire des affaires. L'autruche, elle se met jamais la tête dans le sable. Ça, je l'ai mentionné, je le redonne, mais j'aime ça le dire, j'aime ça le redire, parce qu'on nous fait croire. Puis, mais le crabe, c'est vrai qu'il marche de côté. Moi, je marche à côté de la plaque. Ah oui, la tête dans le guidon, pas ouais, donc, j'embrasse ma guidon. Hein, pardon? Dans le guidon, oui, la tête dans le guidon. Je vois rien ce qui se passe. Là, c'est pas vrai. Moi, mon grave problème, rapproche-toi, c'est d'être trop conscient. Je suis trop conscient de ce qui se passe partout. Puis là, je me dis que je suis pas le seul là, à savoir, puis pas besoin de parler. Juste un regard, juste de voir passer quelqu'un, puis là, c'est de la fabulation. Waouh, t'es en train de t'inventer. Non. Il y en a qui sont pas sensoriels. Moi, je le suis. Moi, je suis hyper sensoriel. Quand il y a quelque chose qui fonctionne pas, les ondes me le disent. C'est fou, hein? Je crois pas à ça, là, mais c'est la vérité. Surtout si je connais quelqu'un depuis longtemps, puis c'est même pas quelqu'un de près de moi, mais près de moi, quand on se voit, on est près, là, mais pas quelqu'un dans mon intimité. Une cliente arrive. Et je sais déjà, par son comportement, par sa façon de fonctionner, de marcher, de se présenter, que ça va pas bien ou que ça va très bien ou qu'elle est excitée. Je le sais, c'est visible, c'est facilement visible. Peut-être que c'est mes 40 ans avec le public qui m'a amené à cette facilité-là, à cet examen rapide, instantané du genre humain. C'est très bien. Tu vois ton patron, tu sais ce qu'il veut dire, tu sais où il s'en va. Puis même s'il utilise un stratagème pour te faire croire que c'est autre chose, c'est ça. Mais comme les gens, on change de sujet, mais comme les gens sont assez hypocrites, ils vont jouer un rôle. « Ah, toi, ça va bien! » Oui, ça va bien, hein, ça va bien. Je sens juste le dire de même, là, ça va bien. Ben oui, ça va bien. Toi, ça va bien? Oui, mais toi? Oui. Et toi? Ah, mon doux! Puis là, dans mon doux, après mon doux, j'entends et je vois les trois points. Pas sur la gueule, mais les trois points. Comment on appelle ça? Les trois points de suspension. Et quand ça suspend, on s'attend à quelque chose. Il va arriver un événement. Parce que sinon, on mettrait un point final. Ou si on s'accroche un peu puis qu'on continue, on met une virgule. Ou si on veut dire quelque chose, on mettrait deux points. Si on veut s'arrêter un peu plus longtemps, mais continuer après, c'est un point virgule. Mais devant un point virgule, lorsque ça continue, je ne m'attends pas à une majuscule. Je veux dire, pas dans l'écriture, toujours dans l'imaginaire. Pas un dévoilement. Juste une continuité qui va me faire comprendre davantage vers où on s'en va, même si on ne le dit pas directement. Parce qu'aujourd'hui, on fait attention. On veut pas lancer que 1 et 1 font 2. Gertrude, ça va? Oui, toi? Oui. Oui, on va aller au supermarché, comme prévu. Bon, moi, j'ai aucun problème avec ça. Bon, on va prendre ma voiture. J'ai pas de permis, mais c'est pas grave. J'ai pas de voiture non plus. OK, on va prendre la tienne. Tu sais, on va prendre ton véhicule. En plus, c'est un tout-terrain. On s'en va, on sait pas où, hein? Ouais, au supermarché, mais on sait pas ce qui va se passer, là. Est-ce qu'ils sont en construction? Non, ils existent depuis 40 ans. Mais c'est ça, la rénovation? Non, OK, ça va bien. Ils en ont pas parlé. Bon. Mais peut-être qu'ils voulaient pas le dire pour que les clients continuent à s'y rendre. C'est une stratégie de marketing. Connais-tu marketing? Il y a marketing. Mais marketing, là, il est pire que marketing. Ça, c'est son frère, marketing. Marketing prévoit que marketing va venir dire quelque chose au public. Tout est une question de stratégie dans la société. Si tu ne connais pas la patente, tu ne sauras jamais ce que c'est que la patente. Attends-toi pas que la patente va tout te dire. Là. Si tu n'es pas capable de comprendre, si tu n'es pas capable de lire à travers les lignes, tu n'iras pas loin. Puis, y en a-tu qui dorment? Oh, mon Dieu! Quand je te dis dormir, là, c'est pas coucher dans un lit avec un oreiller puis une couverture, là. C'est de vivre parmi les humanoïdes et de pas voir. Il y en a, là, qui... Oh, ben, quand on est... Hein? Quand c'est pas direct, quand on me le dit pas, là... Moi, j'invente pas des histoires. C'est pas inventer des histoires! C'est de voir en dehors du non-dit, en dehors de la phrase qu'on va te divulguer. Être observateur, c'est intéressant. Mais ça demande, je crois, sincèrement, un état d'être, un état de réceptivité. Puis ça, on n'invente pas ça. Je sais pas si on peut amener des cours universitaires ou collégiales là-dessus. Être à l'écoute de tout. Hein? Être aux aguets. Être un peu comme une girouette. Quand il arrive un petit vent, déjà tourner puis être prêt. Être à l'écoute. Être à l'écoute de tout. Du silence. Du néant. De l'infini. Hey, être à l'écoute de l'infini, c'est fatigant. Mais non, ça s'arrête plus. C'est infini. T'as pas une vie pour te... Non, c'est pas assez une vie là, pour l'infini. Ben non, ça s'arrête jamais. Mais toi, oui, t'as un début puis t'as une fin. Mais l'infini en a jamais. Donc, c'est qui le plus supérieur entre les deux? Ben c'est l'infini. Toi, t'es rien. Quand tu regardes l'étoile, tu dis à tes enfants, « Hey, c'est beau la nuit, hein? Il n'y a pas un nuage. On voit le ciel et les belles étoiles. » Puis là, tu commences à expliquer à tes enfants, tu dis la vérité, là. Mais tu sais ce que tu vois là? Ben, ça n'existe même plus. Parce qu'avant que scintille l'étoile et que tu la vois, déjà... Tout le temps que ça lui prend pour nous arriver aux yeux, ben, elle n'est plus là. Déjà là, les enfants disent, hey, c'est fou. Ça dépend à quel âge. Je dis, ça, c'est un an. Moi, à 22 ans, je disais, un autre verre de vin. Oh, il y a 11 ans, je disais, hey, wow, là. J'essaie de comprendre l'histoire de la vie, l'histoire de l'existence. Pourquoi vit-on? Hey, il y a 11 ans, je me posais la question pourquoi on vivait. Pourquoi moi, je suis ici? C'est fou, hein? Pendant que les petits jouaient au ballon, moi, je sais pas pourquoi, j'avais acheté un livre usagé, une pièce de théâtre, mais c'était César. J'avais un livre de Platon. Je comprenais rien, mais Platon, je trouvais ça beau comme nom, Platon. J'avais pas aucun cours de philo, là. J'avais 12 ans. Platon, c'est quoi Platon? Platon? Platon? Hey, j'avais... Hey, mais ça, c'est ben, tout ce que je vous dis, c'est vrai, mais là, ça me revient à la mémoire. Hey, j'avais un... Hey! Salut, mon ami! J'avais un livre de... Comment il s'appelle? J'avais un générique au tout début de mon... il y a peut-être 17-18 ans. Antonin Artaud. J'avais une pièce de théâtre. Non, la vision d'Antonin Artaud sur le théâtre. Je lisais ça, je comprenais pas toujours. Les films de Jacques Doyon, je les écoutais, je comprenais pas toujours. Mais j'adorais ça. C'est pas parce que je comprends pas qu'on doit pas, hein? Gertrude, arrête de me le rappeler dans l'oreillette. Continuellement, je le sais. C'est pas du radotage. Oh non, j'espère. Je suis rendu là dans ma vie. Radoté. Quoique. Je me sens comme une vache. Ben, c'est fou, hein? J'ai une toilette. Ce midi, tu t'en vas luncher avec ta meilleure amie. Tu dis, hey, le gars à la radio, c'est quoi, Irène? Non, c'est vrai. Le jeune animateur à CKRL, il nous a dit qu'il se sentait comme une vache. Ah ben oui. Ah ben certes, je ne sais point s'il a deux estomacs, mais il nous disait que lorsqu'il lisait, lorsqu'il écoutait, lorsqu'il captait des œuvres, il était dans une sorte... Exactement. Il était affranchi, à l'écoute. Il gobait, sans trop comprendre. Et par la suite, il réfléchissait ce qu'il avait vu, entendu, regardé. Quoique vu et regardé, mais peu importe. Ça se ressemble, oui. Mais c'est bien des analogies, c'est bien aussi des synonymes, c'est bien de dire des mots qui représentent l'autre mot parce qu'il y a tellement dans la langue française, c'est riche la langue française, c'est riche, ça écœure, hein? Ah, mon doux, ça écœure. Ça écœure pour les non-francophones. Parce qu'apprendre le français, c'est comme apprendre l'espagnol. Mais comme juste apprendre l'asiatique, n'importe quelle langue asiatique. Écrire l'asiatique, tu écris l'asiatique? Ah non, moi, j'ai juste écrire le synthétique. Ah oui. Le chimique, encore mieux. Ah, c'est facile, le chimique. Écrire le chimique, là, tu décris ça là, en 10 ans. Je peux pas trop vous dévoiler, là, parce qu'on est en processus de compréhension. Et quand on est en processus, on se tait. C'est rare, mais on doit pas le dire. C'est comme... Une phrase, on l'a fait, mais c'est comme une phrase de Godard qui dit « Savoir que la vie... Savoir que la vie ne vaut pas la peine... » La gamme génie! On la commence, recommence. « Savoir que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue, c'est comme savoir une information que personne ne connaît. » Il faut pratiquer avant, hein? Ça demande de l'articulation, mais tous les gens qui m'écoutent, là, vous êtes comédien, comédienne, vous êtes dans l'oralité. Vous vous dites, hey, il s'enfarge les pieds bols, mais essayez de dire ça, là. Hein? Savoir que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue, c'est comme savoir une information que personne ne connaît. Puis en plus, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas dite, cette phrase-là. Ouais, ça fait 3 semaines et demie, 4 mois, 6 ans. 2 vies et 3 quarts. Ouais, j'étais un wawaron en Sibérie, moi. Hey, quand tu es un wawaron en Sibérie, qu'est-ce que tu fais? Tu cherches Google Maps, mais c'est même pas encore inventé. Fait que tu t'attends. À rien avoir et ne rien savoir. Tu souhaites juste là qu'un petit couple d'amoureux s'installe à côté de toi sans te voir et commence à parler. Et c'est là que tu vas un peu connaître ton environnement. C'est comme si tu étais dans une machine à voyager dans le temps. Une vachine, oui. Moi, je suis dans une vachine. On est toujours dans la vache, hein? Une vachine, il y a une vachine vache haute. La vache haute, tu sors, la vachine, tu rentres. Quand tu rentres dans la vachine, attention. Oh! Tu souhaites que ce soit onctueux, parce que sinon, c'est dur, hein? C'est sec, hein, s'il vous plaît. Puis les cheveux, en parlant de cheveux, peut-être tantôt mes mèches, là. Ah, mon doux! T'as la mèche qui frise. tu sors de là, là, t'aurais besoin d'une perruque. Ah, tout te décolle, puis c'est elle qui est rendue avec un trou de pète multicolore rempli de poils. Pardon? La vachine, la vachante, elle, elle dévoile. Elle te lâche n'importe quoi, elle te lâche des... c'est toi qui... Tu tiens par les parois pour pas sortir. Mais tellement habitué à expulser qu'à un moment donné, elle a des trucs, hein. Puis vous savez qu'une vache qui envoie des vents à tout vent, oui, des vents à tout vent. Ah, hey, c'est très dommageable pour la... Ben oui! Il y a des savants, là, pas savant le mieux, mais savant Turgeon qui me l'a dit. Drette, la semaine dernière, on a fait un petit pique-nique. Moi, j'avais acheté des marshmallows de couleur parce que j'aime bien ça, même si c'est le même goût. Je sais que c'est le même goût, mais c'est esthétique. C'est pas électrique, c'est esthétique. Et puis, on avait trouvé du branchage, parce que tu mets pas ça n'importe quoi. Non, tu prends pas une petite... Non, pas du métal, c'est du bois qu'il te faut. Parce que ça a un goût particulier, et puis c'est aussi une ritournelle, c'est une légende, pas une légende, mais c'est... comment t'appelles ça? Un rituel sexuel. Un rituel, pas sexuel, mais un rituel. Quoique, tu peux avoir des rituels sexuels. Moi, j'ai rien contre, là. À cette heure-là, on peut parler de tout. Mais je vois juste la branche. Tu piques, c'est pas sexuel, tu piques la guimauve et tu places ça devant le feu. Puis là, tu dois connaître la chanson. Le feu, feu, gentil feu, le feu, tu nous réjouis. Feu, feu, gentil feu. Après ça, tu peux enchaîner, là. Un feu, feu, joli feu, tu nous réjouis. Feu, feu, joli feu, tu nous réjouis. Patrouchka, ne pleure pas. Entre vite dans la ronde. Fais danser les nappes blondes. Ton petit chat reviendra. Il nous dansera. Peut-être sous le bord de la fenêtre, une mazurka. Ka. Rock'n'roll. Attendez. Hey, trouvez-vous que ça ressemble à ça? Écoutez bien. Voyons donc, on dirait que je parle à Roméo. Non, pas Juliette, à Roméo Tremblay. Ah, lui, c'est toujours... toujours bien. Hein? On est toujours bien. Puis, il y a une phrase... c'est une expression, ça m'emmerde. Puis, ça me rebute. Hey, salut le gros! Je t'ai entendu, moi, le gros. Ah, c'était tellement... Hey, le gros, écoute-moi bien. Hey, juste le gros, là. Moi, c'est gagné. Fait que tu peux dire, hey, gagné! OK, parfait. Fait que ce que je vais vous faire entendre, c'est une chanson, mais juste le rythme, ça fait penser à une autre chanson. Ça, c'est plaisant. On va. Tes taux sont durs, puis tes œufs sont brûlés. Ton petit dernier a la guédille au nez. Et tu veux te faire un café instantané. Vers les mouches, hein, oui, vers les mouches. Il y a de la mouche, hein, vers les mouches. Il y a la mouche à feu. Pas maintenant, là, quoi, qu'à une certaine, ouais, à un certain moment. Il y a la mouche à feu, il y a la mouche à well, puis il y a la mouche noire. Tu sais, la petite mouche noire, la tanante, là, celle qui... Ou on l'appelle aussi la mouche à fruits. La petite mouche à fruits. Puis là, il y en a qui me disent, ben, hey, Rénal, puis on revient après la pause. Oh, oui, non, c'est ça. Il y a des gens qui me disent, hey, Rénal, non, c'est une petite pause, hein? Une petite pause cochonne. OK. La mouche à fruits. Pourquoi j'en ai? Parce que j'ai pas de fruits. Je dis parce que il y a peut-être des affaires que vous faites puis qui attirent ces genres de mouches-là. En toute saison. Je dis quoi? Attendez. Là, je vais vous poser des questions. On vient me poser des affaires des fois. Rénald. Oui, non, c'est moi. Madame. Je me trompe de personnage. Les comiques, ces drôles prisonniers de nos rires, ces marchands de joie, de sourire, sont des personnes passées trop vite dans nos vies. Madame, vos mouches, là, c'est très facile. Sont à fruits ou noirs, peu importe. Quoi qu'à fruits ou noirs, elles sont noires. À savoir si c'est la même chose, d'après moi, oui. Mais comme je ne suis pas un spécialiste des mouches, pour les enlever, pour les retirer, c'est très simple. Puis là, tout le monde me dit, ben ça, j'en ai pas. Ben on en vend, achetez-en. J'ai pas les moyens. Ben là, restez avec vos mouches, mangez-en. Vous aurez pas moins de, hein, vous allez moins avoir de viande à acheter. Elle dit, c'est dégueulasse, c'est tout petit. Ben oui, c'est tout petit. Ça, vous en mangez une vingtaine de livres, là. Non, c'est du vin rouge et du vinaigre. Alors, l'histoire est la suivante. Vous prenez une bouteille de boisson gazeuse en plastique. Vous coupez à peu près en bas du goulot. OK? Ensuite, vous prenez, vous l'avez coupé. OK? Vous retirez ce que vous avez coupé et vous tournez le goulot vers la bouteille. C'est clair? C'est pas compliqué? Ensuite de ça, vous mettez des collants autour de l'orifice que vous venez de faire pour que il y ait, ben, vous n'êtes même pas obligé, mais moi je fais ça parce que pour éviter une certaine senteur, mais ben, ça change absolument rien. Vous n'êtes pas obligé. Non, mais je complique l'affaire. Et puis là, vous placez à peine, parce que là, c'est sûr que si vous achetez, achetez pas un vignier, là. Une petite bouteille de vin. Si nous autres, on vend le plus petit, c'est 750 millilitres. Bon. Des fois, on a du 500. Bon. Et vous prenez la piquette, là, le moins cher, là, je ne la nommerai pas, hein, la bouteille, mais ou même si c'est en carton, ça veut dire que c'est pas buvable. Donc, vantez-vous pas, madame, vous buvez du vin en carton. Bon, je suis pas là pour... Non, j'ai pas de préjugés, mais... Ça, c'est quand on vous dit on n'a pas de préjugés, mais il y en a, parce que le mais est un préjugé. Non, mais du vin en carton, c'est pas buvable. Mais en même temps, ce que je voulais vous dire, après deux gorgées, la bouche, c'est fait. La gorge aussi. La gorge est comme engourdie, hein. Il en met dessus de la. Ah oui, il en met. C'est quoi? Non, pas du vin. Pas de l'alcool. C'est un produit pour éviter que le vin vire au vinaigre. Quoique ça ferait de la maudite bonne mixture pour votre mouche noire, là, ou la mouche à feu. Pas la mouche à feu. Évitez, la mouche à feu ne rentrera pas là-dedans, mais il n'y en a pas de mouche à feu dans ce temps-ci. On est le 4 décembre! Vous avez des mouches noires ou des mouches à fruits. Alors là, vous mettez du vin. Bon, à peine, je sais pas, un once de vin. Rouge. Oui, rouge. Puis même dans la vraie vie, buvez uniquement du vin rouge, du vin blanc, là. Oh mon, vous vous trompez. Écrivez-moi pour m'insulter à renalquebec@commercial.com. Quel vin blanc aimez-vous et pourquoi? Défendez votre opinion. Et puis, je suis prêt à tout. Puis je vous réponds dans... C'est de l'humour, hein? On est au deuxième degré. Ah non, moi je suis au troisième. Aïe, aïe, donc. Je pense que je déchire au troisième. Avez-vous accouché? Ah, j'ai accouché de tellement de... Ah, hein, d'incompréhension et de... Aïe, donc. Et de... Je sais pas, de souffrance intellectuelle parce que les gens n'arrivent pas à comprendre ce que je dis aussi facilement. Ah oui, au niveau de la bouteille, ben oui. Une bouteille virée à l'envers, OK? Tu mets du vin rouge, une once de vin rouge et juste rouge, pas blanc. Et puis, vous pouvez aussi avec un c'est pas grave, là, un once aussi de vinaigre. Le vinaigre, tout le monde en a. Si les gens n'ont pas de vinaigre, je vous conseille fortement. Ça, c'est, oh, elle risque d'être... Oh oui, elle sera pas rigolote, celle-là. Non, non, non. Non, mais en même temps, tu sais, cette histoire-là, c'est vrai, mais en un rien de temps, et grâce à ça, on va pouvoir en mettre dans la bouteille, tout ça peut virer au vinaigre. Ah! T'es fort, Renan, t'es fort. On l'applaudit. Oh! J'ai jamais vu ça. Heureusement. Je veux juste l'entendre. Tes cheveux, hein, ça fait pitié. Oh. Là, ici et maintenant, attribuons la place à mon ami Charles Bukowski. Ouvrons-lui un petit coin de bar. Laissons-le nous suggérer une improvisation à partir de la première phrase d'une de ses nouvelles, extrait de son recueil « Contes et nouvelles ». Bref, cessons l'introduction et entrons dans l'antre de l'oncle Buck. Alors, il faut que j'aille chercher l'oncle Buck. Mon vieux Buck, veux-tu venir ici? Ah, à mon âge, hein? Ben, ton âge, il est quand même assez gracieux, hein? Très gracieux, hein? Je suis mort en 1989-90, mais au moins avant de mourir, j'ai rencontré ma Beauma. Qui? Ma Beauma. L'embaumé? L'embaumé de la Beauma. Oh mon doux, la Beauma. Adieu, adieu l'amour. Les autres sortes de solité se sont frappés. Oh! Et pour un jour te revoir. Non, c'est pas ça, c'est pas la Beauma, c'est... La Beauma, la Beauma. C'est qui? C'est la Beauma. C'est qui? La Beauma. La Beauma. Ben oui, son maril de l'époque. Son maril de l'époque s'appelait Sean Penn. Oh, Sean Penn. Madonna. Oh, Madonna, si tu viens vers moi... Je me reculerai, oh Madonna. Non, mais quoi, voyons donc, Madonna. Madonna, c'est Madonna, là, hein? Quand même. Faut faire attention, M. Bukowski. Première phrase, et là, les gens vont me dire, qu'est-ce que t'as contre Madonna? Et je leur rétorque aux individus qui se posent cette question, qu'est-ce que j'ai contre Madonna? Je rétorque ceci. Qu'est-ce que Madonna a contre moi? Hein? Moi? Elle te connaît même pas! Ben voyons donc, elle me connaît pas! Pourquoi moi je la connais puis elle me connaît pas, voyons? On fait partie de la même planète! On est sur la Terre! On est parmi les chiens! Pas les chiens, les siens! Les chiens, hein, monsieur! Ben elle fait partie de nous! Pas vrai, ben, ça dépend, là. Ben, Madonna, oui, ben, Madonna, on la connaît, Madonna, là. Mais ça, Bukowski, amène-nous! Le titre de la nouvelle, est-ce qu'il faut dire le titre avant la première phrase? Ben non, il faut commencer par la première phrase. C'est très simple. La première phrase du début de la nouvelle de Charles Bukowski s'intitule « J'ai payé un verre à la fille, puis un autre, et nous avons pris l'escalier derrière le comptoir. » L'histoire ne dit pas si c'est Madonna! Non, l'histoire ne le dit pas. Mais peut-être, on verra. Bon, si on se rend à la fin! À la fin, ben à la fin de l'histoire! Oui, c'est une bonne question, celle-là. Alors, on va se mettre dans l'ambiance et reportons-nous, les gens passent. Voyez, qu'est-ce qui se passe? Ils mettent la radio à CKRL à cette heure-là, à 9h07. Il y a des individus qui passent, c'est merveilleux, on vous embrasse, merci, bye, à la prochaine. Bon! Mais c'est ça, c'est que là, l'individu rencontre une sublime créature. De l'au-delà. De l'au-delà. De l'au-delà. Oh, c'est bien mieux de l'au-delà, parce que tu peux l'amener dans ton lit. De l'au-delà, holy, de l'au-delà. J'aurais mis un jour, là, si un professeur de turlutine là, pouvait faire, je suis incapable de faire ça. Mais il y en a des professionnels là, qui pourraient m'éduquer la corde vocale. Ben, les cordes vocales. Moi, j'en ai deux cordes. J'ai la vocale et j'ai l'avocat. J'ai le barreau d'un côté. Et j'ai la corde au cou! Ben, c'est... Et quelquefois, c'est une harmonie qui ne se raccorde pas. Donc, c'est des harmonies oh, musicales. Mais j'espère, as-tu entendu autre chose que des harmonies qui ne sont pas musicales? Oui. On veut pas aller plus loin dans ton transfert, là, mais... Alors, j'ai payé un verre. Ben oui, j'en ai payé un. Là, elle me dit, ah, bonjour, tu es mon mec. Oh, ben, là, ben, t'es mon mec, voyons donc, qui te dit ça, là? Ben, je dis, non, mais il me semble, là, que, tu sais, je te vois depuis 5 minutes, là, puis je viens de déposer mon manteau, puis je voyais que tu me regardais. Non, je te regardais pas, moi, là. Ah, non, je regardais la broue de mon verre, et ça donnait que tu étais juste en arrière de mon verre. Oh! Ça veut dire que sincèrement, tu n'avais aucun visio. Ben oui, ben en fait, après ça, j'ai remarqué qu'en dehors de. Au-dessus de la mousse, il y avait une belle frimousse. Oh! Au-dessus de la mousse, il y avait une belle. Ben oui, c'était la vôtre, mademoiselle. Oh, ben c'est très charmant. Oui, j'espère d'être ce prince. Oh, ce prince charmant. Et désarmé. Désarmé de mots. Non, désarmé devant autant de beauté. Alors, voulez-vous un deuxième verre? Ah, ben, je vous en prends un deuxième, mais j'ai même pas fini le premier. Il m'est même pas venu le premier. Qu'est-ce qu'il fait, ce barman-là? Il sait pas comment ça fonctionne. On dit un verre. Amène-le ton verre. Il m'a l'air débordé. Ben, il y a trois personnes. Il y a vous, il y a moi, puis il y a l'autre derrière, là, qui le voyeur. Là. Ah, il y a toujours des voyeurs là-dedans. Ben oui. Les gens qui souffrent de voyeurisme, c'est un état mental que toi aussi tu as. Ah, oh, ben oui, mais je connais Rénal Gagné qui... Oh, ben pas Rénal Gagné. Ben oui, le gars de la... Ah, oh, c'est pas ça. Ah non, il fait ça, lui! Il regarde partout. Il regarde partout. Ah, oh, ben, partout. Ça n'a pas d'allure! Ben oui, ça a de l'allure, là, mais... Lui, combien de fois la police hein, l'a arrêté? L'a arrêté. Les culottes baissées. Les culottes baissées. Oh non, qu'est-ce qu'il faisait? Il regardait. Avec quoi? Avec ses jumelles. Ah, oh, il a des enfants, lui? Non, ses jumelles, ses longues vues. Oh, il y avait une longue portée. Non, pas vraiment, là. Ça dépend où, mais une petite portée, mais un long regard. Oh, alors, voulez-vous siroter votre deuxième bière? Mais il n'est même pas venu me prendre. Mais il n'est même pas venu me prendre. Ouais. Alors, voulez-vous monter chez moi? J'habite en haut du bar. Moi, je suis un bon barman. Oh, alors vous voulez me payer? Ben non, je veux pas vous payer. Moi, je vous l'offre gratis, moi. J'ai quand même les moyens financiers. OK, c'est-à-dire? J'ai du fort. Ben, je suis très fort et je vais vous amener de l'alcool, non pas frelaté, mais j'ai du whisky. Pas du bon whisky, oui! T'as du bon whisky dans ta bataille, t'as du bon whisky, tu n'auras pas, tu vas en avoir, toi. Ah ben, je vais peut-être monter, monsieur. Prends ton beau manteau en velours côtelé et monte vers la richesse qui est au troisième étage. Ici, tu vois les toilettes, là, je suis juste à côté des toilettes, OK? Je vais aller te rejoindre, là, mais moi, il faut que j'aille parler au barman. Comment ça? Ben, j'ai de l'argent, je lui dois de l'argent. OK, je vais t'attendre. Alors, non, attends-moi pas, monte en haut, j'arrive, OK? Oh, ben, d'accord. Alors là, la fille, elle quitte. quitte les environs. Et là, il se dit, oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire avec elle? Qu'est-ce que je vais faire? Il se rend compte qu'à un moment donné, c'était pas vrai. C'était la broue de sa bière qui l'avait fait fabuler. Il y avait personne dans le bar, il était tout seul, puis il parlait tout seul. Le barman, il dit, hey, excuse-moi, mon Johnny, ça va bien, toi? Ben là, t'as-tu vu des filles ici? Une fille avec un manteau, puis... Non, il n'y avait pas de fille, il n'y a pas de manteau, on est tout seul. Qu'est-ce qu'elle a, ta bière? Ah, oh, ouais, c'est ça, il y a un problème de l'embrouille, là. Il y a une broue qui émane, et les gens souffrent d'hallucinations brégaires. Pas brégaires, c'est précaire. Braguette, non, c'est quoi, hallucinations précaires? Bon. Est-ce que ça soigne? Non, mais quand tu vas partir en haut, là, à côté, chez toi, là, tu vas te rendre compte que tout va bien. Fait que, hey, on monte en haut, il ouvre sa porte, il se couche sur son lit, il dit, oh, hey, tu parles d'une journée, toi, de la bière hallucinogène. Là, il se retourne, il se rencontre, la fille est là! Ben, voyons donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Puis là, après ça, il s'endort. Il se réveille, il est plus là. Il s'est dit, ah, ben, peut-être que j'ai rêvé. Ah, peut-être pas ton impro. Ben, ouais, il fallait faire ça vite. On a déjà dépassé le temps. Alors, le titre de la nouvelle de Charles Bukowski, c'était Panne de batterie. Ben oui, c'est une panne imaginaire. Une panne imaginaire, c'est ça. On va pas plus loin que ça. Ça coupe. He lives. Oh là là, que du lourd ce soir. Marine Williamson, auteure, compositrice, interprète, femme de cœur, exceptionnellement aiguisée avec les mots justes, la mélodie qui nous accroche l'oreille. Alors voici mon amie Marine Williamson, à toi même. Amer amour de bord de mer, tu aurais donné ton âme pour cet homme et ça t'étonne de sentir la brûlure sur ta peau salée, la fêlure de l'acétone sur ton cœur brisé. Amer amour de bord de mer, comment deviner que ce regard si doux, sa peau brûlante, enivrante, glace ta main, ton cœur, toi la menthe qui te languissait des heures. Amer amour de bord de mer, des caresses solaires, des promesses au fil de l'eau. Il est parti, le bel oiseau chanteur, le chasseur, jeté au loin ses lassos et son chaos. Amer amour de bord de mer, tu aurais donné ton âme pour cet homme et ça t'étonne de sentir la brûlure sur ta peau salée, la fêlure de l'acétone sur ton cœur brisé. Amer amour de bord de mer, comment deviner que ce regard si doux, sa peau brûlante, enivrante, glace ta main, ton cœur, toi la menthe qui te languissait des heures. Amer amour de bord de mer, des caresses solaires, des promesses au fil de l'eau. Il est parti, le bel oiseau chanteur, le chasseur. Amer amour de bord de mer, des caresses solaires, des promesses au fil de l'eau. Il est parti, le bel oiseau chanteur, le chasseur. Jeté au loin ses lassos et son chaos. Jeté au loin ses lassos et son chaos. Jeté au loin ses lassos et son chaos. Amer amour de bord de mer. Amer amour de bord de mer. Et voilà. Ah, bon alors tu es de retour à Paris. Oui. Ben oui, puis je crois que en juillet je viendrai pas parce que les billets ont monté en flèche. Ah ouais, merde. Ah, imagine, c'est 500$ pour venir à Paris. Ouais. Mais de Paris à Québec, c'est 1100$. Donc, c'est deux fois plus cher. Mais comment ça se fait? En France, ils ont fait éclater les prix. Ah, putain! C'est fou. C'est fou. Mais quand tu prends ton aller-retour depuis chez toi, ça, c'est pareil? Ben non, moi, quand je viens ici, c'est 500$. Ouais, c'est ça. Oui, mais tu prends pas l'aller-retour. Ben oui, mais c'est 1100$ retour, mais c'est 500$ aller. Ah ouais, d'accord. Okay. Puis je suis allé voir l'actualité, puis ils ont dit que les tarifs des billets pour la France ont augmenté de 50 à 60%. Oh, c'est fou. Ah purée! C'est fou. Ah ouais. Mais ouais, moi, là, j'ai la chance. Compliqué, ouais. Mais ce qui est bien, c'est que là, c'est hors saison, février. Ouais, bah oui. Donc, ouais. Ça me coûte 850. D'accord, l'aller-retour. Oui. Ouais. Là, ça double. Ah ouais, là, ça fait beaucoup. Ouais. Ah non, mais je réfléchis. Hein. Je rien. Ah merde, parce que normalement, tu viens deux fois par an. Ouais, je viens en février puis en juillet. Ouais, d'accord. Ouais. Okay. En juillet, c'est plaisant. On est à l'extérieur. Ah, il fait oui. beau. Ouais, bah ouais, comme quand on avait fait le petit concert, là, c'était sympa comme tout. Ouais. Hey, j'ai... Je suis très heureux de te recevoir. Je suis très heureuse de te voir. Moi, je veux bien un café allongé avec un petit pot d'eau chaude. D'accord. S'il vous plaît. Moi, chocolat chaud, s'il vous plaît. Et puis une petite carafe d'eau. Merci. Ouais, nous, on s'est connus lors de ton premier album. Oui. En anglais. Ben oui. Et là, tu embrasses la langue française. Absolument. Oui. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, en fait, je pense qu'au départ, je chantais en anglais parce que j'écoutais beaucoup de musique anglo-saxonne et que j'aimais vraiment la sonorité de la langue. Ouais. Et je pense que ça me permettait aussi un peu de me cacher, tu vois. Et puis, avec les années, j'ai eu des amis, notamment Kat Loris, que tu connais. Qui, elle, a toujours écrit en français. Oui. Elle me dit, « Ah, mais pourquoi t'écris pas en français? C'est dommage et tout. » et puis je me suis dit, mais ça me paraît très exigeant en fait, l'écriture en français. Tu vois, déjà les gens comprennent ce que tu dis, donc tu peux pas dire n'importe quoi. Non, ouais, c'est ça. Bien que ce soit de pas dire n'importe quoi en anglais non plus, mais. Et puis il faut que ça soit bien travaillé et tout, alors que l'anglais ça sonne vite, tu vois, t'as pas besoin de dire grand chose, tout sonne bien quoi. Et donc j'avais un peu des réserves, et puis j'ai essayé, j'ai fait lire des textes, notamment à elle, qui m'a dit que c'était chouette et tout, et ça m'a un peu décomplexé. Et je me suis dit, écoute, banco, allons-y quoi. Et voilà, et puis ces chansons sont arrivées un peu au fil du temps, comme ça. Ouais. Puis à un moment, j'ai fini, pourquoi pas en faire un disque. Est-ce que tu les as fait beaucoup en spectacle avant? Un peu, mais pas toutes, okay. En fait. Je pense qu'il y en a que j'ai même jamais joué. Enfin, si maintenant, je les ai toutes jouées, parce que j'ai fait un concert aux Trois Baudets, là. Je sais pas si tu as vu passer l'info. Non, oui, et puis du coup, je les ai toutes jouées et c'était génial. Non, mais comment ça s'est passé? Ah, c'était super, c'était magnifique. Honnêtement, c'était une des meilleures soirées de ma vie. Mais mon meilleur concert, c'est sûr. Ah oui, mais non, mais la qualité sonore, la qualité la qualité sonore, super. Et en plus, j'avais une équipe de musiciens autour de moi exceptionnelle. On était 7 sur scène, 6 musiciens, tu vois. Et tous aussi bons les uns que les autres. Et du coup, je me sentais portée, tu vois, comme dans un écrin magnifique. Et il n'y avait qu'à chanter, c'était facile. Est-ce que c'était des amis à toi, les musiciens? En fait, c'est tous les musiciens qui ont joué sur le disque. Okay. Plus Paul Galliana qui m'accompagne aussi sur scène à deux, tu vois. Ouais. Et là, je voulais que tout le monde soit là. Je me suis fait un gros cadeau, quoi. Et c'était chouette. Ouais. Ouais. Et là, ça t'a donné le goût de faire plus de scènes. Ah bah oui. Ouais. Ah bah ouais, mais là, j'attends que ça. Mais il faut dire aussi que la qualité de l'emplacement, la qualité sonore, l'acoustique... Oui. Ouais, tout ça, ça joue. Hein. Même les sièges, ils sont... Ah bah tout. Ah, moi, j'adore cette salle. Hein. Ouais. C'est hyper agréable quand t'es dans le spectacle. C'est tout près d'ici. Bah, c'est pas grand, voilà. Non, mais c'est à côté. Ah oui, c'est joui, c'est tout près d'ici, ouais, carrément. Et puis, c'est pas immense, c'est la bonne taille, je trouve. Ouais. C'est vraiment les conditions idéales. Donc après, je sais que je vais pas avoir souvent l'occasion de jouer là-bas, ni dans des salles comme ça. Enfin, peut-être de plus en plus, espérons, je trouve qu'on voit. Mais c'est sûr que c'est pas le même métier que de jouer à deux dans un café, si tu veux. C'est vraiment rien à voir, quoi. Mais... Toi, tu as commencé à écrire de la poésie étant jeune, en anglais ou en français? Écrivais-tu quand tu étais... Non, pas du tout. Okay. Non, mais moi, tu sais, j'ai tout fait sur le tard. Ouais, ça, on l'avait dit, c'est ça. Tu te souviens? Oui. Voilà. Ouais, j'ai réécouté la bande. Ah oui? Je me disais, t'as une mémoire incroyable, parce que moi, je me souviens pas de ce que j'ai dit. C'est mieux comme ça. C'est plus épuré, donc c'est moins préparé. Ouais, c'est clair. Et moi j'ai commencé à écrire il y a, 12 ans peut-être, un truc comme ça. Ouais. Et j'ai écrit en anglais au départ. Ouais. Les premières chansons donc, qui sont sur Shelter, c'était en anglais. Et voilà, et le français, je pense que j'écrivais des petits textes peut-être avant. J'ai écrit des poésies par contre en français avant d'écrire des chansons. Okay. Tu vois, dans l'intermédiaire. Ouais. Je suis passée par la poésie, c'est ça que je faisais lire un peu aux gens, des fois que je partageais sur Facebook, et me dire, mais c'est vachement bien, j'étais bon. Ok, alors tu vois. On va aller ça plus loin. Franchi... On va continuer. Ouais, voilà, ouais. C'est ça. Et c'est vrai que l'avantage, c'est que je peux quand même exprimer les choses plus. Ah, je croyais que c'était le chocolat, pardon. Ah non, il y a là. Non, pourtant, ça ressemblait à un café, je ne sais pas. Vous étiez dans ce c'est ça. Merci. Et qu'est-ce que je disais, du coup? Tu disais que tu écrivais de la poésie. Oui, l'avantage du français, c'est que comme c'est ma langue, quand même, j'ai plus de vocabulaire et je peux exprimer les choses plus subtilement. Oui, parce que le français, c'est très subtil, c'est très... Ça permet de... C'est plus pointu. Oui, et puis moi, pour moi, ça me permet d'écrire plus poétiquement. OK. Tu vois, de maîtriser un peu les images, tout ça, alors qu'en anglais, c'est plus difficile. Donc voilà, je trouve que ça apporte un peu de richesse à l'écriture. Mais à quel moment tu t'es dit, ben là, je vais faire un nouvel album, un deuxième album en français? En fait, je pense que ça faisait un moment que je me disais, parce que le temps passe vite, tu vois. Oui, c'est vrai, c'est fou, hein. Et du coup, le Shelter, il est sorti en 2016, fin 2016. Oui. Puis là, je voyais les années passer, je me dis, ça serait quand même bien de sortir un nouveau truc et tout. Sachant que ça prend beaucoup de temps de produire un disque. Oui. Quand t'as pas la grosse maison de disques qui fait tout pour toi, tu vois, c'est... Juste trouver l'argent, c'est pas évident. Déjà, faut trouver l'argent, faut trouver les gens avec qui tu veux travailler, faut trouver le moment. Après, il y a eu le Covid, enfin bon, ça a été tout un truc. Ouais, ça a pas aidé. Hein. Ça a pas aidé, ça c'est clair et net. Mais à un moment, je me suis dit, là, j'ai pas mal de chansons quand même, enfin, qui se tiennent, tu vois. Et j'en ai parlé à mon frère qui avait fait le premier disque. Oui, c'est vrai. Il m'a dit, vas-y, fais un EP. Au début, il devait y avoir que 5 titres. J'avais 5 chansons. Et on avait tout enregistré quasiment. Et puis là, chez toi ? Ouais, dans le studio de mon frère et dans le studio aussi d'un des musiciens. Okay. Et c'était super. Et puis là, un jour, je sais pas, j'étais dans une période un peu de down, tu vois. J'avais pas trop d'inspiration. Et puis, je sais pas, je me mets à ma guitare. Et là, j'écris un peu sur cette période d'errance, de manque de recherche de la source, quoi. L'inspiration, l'élan, de vie et tout. Et là, m'est venue la chanson en 10 minutes. Et tout de suite, en la chantant, je faisais du parler-chanter. Je me dis, putain, ça me fait penser à Gainsbourg, tu vois. Ah oui. Ambiance, Mélodie Nelson. Je voyais déjà l'atmosphère du truc. Je l'ai envoyé à Lisa Cadbero qui a fait les arrangements du disque. Et direct, elle m'a dit, mais oui, c'est chouette, moi aussi ça me fait penser à ça, je vois tout à fait ce qu'on va faire. Et hop, ça a rajouté une dernière chanson qui n'était pas prévue. Et puis après, on l'a enregistrée à Ferbert, parce qu'on a eu l'opportunité de faire une journée là-bas avec tous les musiciens. Enfin bref, c'était extra, quoi. Non, mais la chanson... Qu'est-ce qu'elle raconte, ça, que tu veux dire? En es-tu fière de ce que ça donne? Eh ben ouais, je suis contente. En fait, je pense que c'est la chanson pour moi la plus forte du disque, alors qu'elle n'était pas prévue. Et tu l'as mis en dernier. Ouais. Ah, c'est bien. Ouais. C'est bien. Donc, ça nous amène peut-être à un prochain album qui risque de ressembler à la dernière chanson. Peut-être, ou ça, pas. On ne sait pas. Ça, je t'avoue, le prochain, c'est grand mystère. Mais est-ce que lorsque tu t'es décidé de faire un deuxième disque en français, tu avais déjà un concept de disque? Non. Non, c'est marrant que tu me poses cette question parce que j'y ai pensé. J'ai souvent visité des déserts de glace. En été, j'ai marché sur la banquise lasse. C'était blanc et nu, sans âme. Perdu. J'ai souvent erré à l'orée du cœur, à l'aurore espéré un éveil meilleur, dans la pâleur du jour fébrile, sans amour. Thank you. marche traversée, c'est à libérer des brouillards glacés, un horizon clair, un jour enfin solaire. À la lisière de mon âme aride, avide de sortir de rien, je devine un chemin, c'est presque rien. Quelques cailloux déposés de voir, j'ai pensé à cette question-là en particulier, et je me disais que non, en fait, au départ, j'avais mes chansons qui sont apparues les unes après les autres, comme ça, mais sans fil rouge, tu vois, particulier, et je me suis dit, bah, juste, elles me plaisent, je les mets sur un disque, tu vois, mais sans penser à un concept ou un, tu vois, et en réfléchissant après, en faisant des petites interviews et tout, et ben j'ai réalisé qu'en fait, ça racontait quand même quelque chose, tu vois. Qu'il y avait un... Et que... Ouais, voilà. Ouais, il y a un fil d'Ariane. Et je pense que c'est un peu un cheminement intérieur, en fait. Entre l'ombre et la lumière, entre différentes périodes de vie qu'on traverse. Mais... Et ces périodes d'âme dont je parle parfois dans les chansons, elles s'ouvrent toujours vers un renouveau, tu vois. Et dans la source, je dis, ouais, la source est perdue, enfouie, peut-être pas tarie, mais lointaine. Mais elle est là, en fait. Il faut juste se dire qu'on va la retrouver. Et c'est un peu l'histoire du disque, je crois. C'est un disque noir et blanc, couleur. Ouais, c'est et... ça, c'est ça. Ouais. Et je trouve intéressant de parler de ça, parce qu'en fait, il y a plein de gens qui peuvent se reconnaître là-dedans. Ouais, tu vois. On a tous des moments difficiles, ouais. Et puis hop, on relève la tête, ouais, et puis hop, ouais. Tomber sept fois, se relever huit, ouais. Tu vois, c'est... Ouais. Et puis voilà, c'est la vie, quoi. Donc je pense qu'en fait, il y a quand même une espèce de cohérence. Mais entre les deux disques, tu enseignais, c'est ça, à un moment donné? J'ai quoi? Tu enseignais? Non. La voix, non? T'étais pas... Non, j'enseigne pas, mais je suis comédienne voix. Ah, c'est ça, ok, ouais, c'est ouais. Ça, la voix, ouais. Ouais, donc ça, je continue, okay. J'adore. Ok. C'est grâce à ça que j'ai mon intermittence, donc merci les voix off. C'est bien, ouais. Quoi, tu fais des documentaires, des trucs comme ça? Ouais, je fais des petits documentaires, des pubs, des films institutionnels, des podcasts, genre de trucs. Ouais. Et du coup, ça se diversifie un peu là en ce moment. Et t'en fais de plus en plus? Ouais. C'est pour ça que ton instrument, tu y fais attention. Ouais, bah oui, tu m'étonnes. Là, moi, c'est tout 100% sur ma voix. Hein. Ah oui, c'est vrai, c'est fou, hein? Est-ce que c'est stressant? Oui. L'hiver, c'est stressant. Ouais. Avec le Covid, c'est stressant. Étant juste l'anecdote, c'est que on préparait le concert des Trois Baudets qui a eu lieu le 18 janvier. Ça faisait des mois que c'était prévu, tu vois. Donc ça faisait des mois que je pensais à ça, que je me projetais et tout. Et ma hantise, vu que c'était en janvier, c'était tombé malade juste avant, tu vois. Ouais. Et ben une semaine avant, j'ai tout eu. J'étais à moitié à fond, j'ai dû prendre de la cortisone, j'ai eu des migraines terribles, j'en passais des meilleures et j'ai quand même réussi ma Ah, mais ça, c'était le stress. Hein, ah, mais oui, c'était le stress, 100%. Ah, c'est fou, c'est fou. Ça affaiblit tes défenses immunitaires, ouais. Tu somatises, enfin bref, c'est mais la tu te traqueuses? Bah là, ouais, quand même, j'avais un peu de... Ouais. Ça dépend des événements, je te dirais. Il y a des jours où ça va, je me sens bien. Ça dépend de l'enjeu. Là, il y avait quand même un petit enjeu, sortie de disque. La première fois que je vais sur aux Trois Baudets, c'était un peu important. Bon, voilà, j'avais envie que ça soit bien. Mais dans ces chansons-là, lorsque tu fais ton spectacle, tu fais pas juste les six, tu prends ton album en anglais. Oui, absolument. Okay. Ouais. Là, j'ai repris quatre chansons de l'ancien. OK. Donc, les six nouvelles, et j'avais trois reprises. Deux. De une de Joni Mitchell que je jouais toute seule à la guitare. D'un seul coup, tout le monde quitte la scène et je me retrouve avec la guitare. C'est laquelle? Est-ce que c'est la chanson qui dure à peu près 12 minutes là? Ah non, je me suis pas lancée là-dedans. Ah, mais elle est belle, hein? Je vois pas laquelle c'est. C'est, tu sais, à l'endroit où on la voit, c'est tout. peinture, elle est accoudée comme ça, elle a un verre de scotch. Là. Ah oui, je vois tout à fait la peinture. Mais la chanson fait 12 minutes, c'est hallucinant. Je pense que c'est son plus grand succès. Ah bon? Oui. Ouais, mais il faut que j'écoute ça. Ouais. Et non, c'était A Case of You. Ok. Tu vois, que j'aime beaucoup. J'ai chanté ça toute seule. Et on a fait sinon Jealous Guy de John Lennon. Ouais. Avec tout le groupe. Et Time After Time de Cyndi Lauper pour le rappel. Ah oui, c'est bon ça. C'était sympa. Ouais, c'est bon. Ouais. Mais lorsque tu t'es mis à écrire en français, est-ce que tu as eu autant de plaisir que d'écrire en anglais? Ouais, vraiment. Ouais, parce que je me suis dit qu'il y avait quelque chose qui se déployait dans le français, tu vois, qu'il y avait vraiment des horizons qui s'élargissaient du fait de ce que je te disais, de la maîtrise de la langue, quoi. Est-ce que c'est les mots qui amènent les idées ou les idées qui amènent les mots? Ah, c'est intéressant, ça. Bah, ça dépend. En fait, le procédé d'écriture, il est assez variable, tu vois, d'une fois à l'autre. Et par moment, je vais avoir une phrase qui me traverse l'esprit. Donc des mots, tu vois, et qui vont amener justement autre chose, une suite, tu vois, ça va m'évoquer quelque chose que je vais avoir envie d'écrire. Et des fois, j'ai vraiment une idée dont j'ai envie de parler, quelque chose qui me touche, et là, je vais chercher les mots pour le dire. Mais donc, c'est l'un ou l'autre, c'est très fluctuant, quoi. Mais les cinq chansons, ben les six, si on compte la dernière, ils se sont créés sans trop de difficultés. Bah non, ouais. Mais en fait, c'est tout le principe de chez moi, c'est que je suis pas très souvent inspirée. Okay. Malheureusement, hein, j'aimerais bien que ça me touche plus souvent, la grâce. Mais, mais c'est pas le cas. Mais quand ça arrive facilement. Donc en fait, toutes ces chansons-là, elles sont venues quand même assez. Est-ce que tu dois te mettre dans un mode créatif? Non. En fait, ici, je pourrais être ici et écrire une chanson. Même si c'est du bruit, même ouais. Si. J'aime bien dans les cafés d'ailleurs. Okay. J'aime bien dans les trains aussi. J'aime bien écrire dans les trains. Parce que je suis dans une bulle, ça défile. Il y a des choses à voir. Tu peux regarder dehors, venir voilà, à ton texte. Ouais, ça appelle la rêverie un peu, ouais, je trouve. C'est vrai. Et en même temps, il n'y a rien d'autre à faire. Donc, t'es pas diverti, tu vois. Bah, le téléphone est coupé. Et bon, voilà, ça j'aime bien. Ouais. L'immobilité en mouvement. Ouais. Est-ce que tu t'es surprise à un moment donné à trouver des belles consonances, des beaux ouais, bah des belles métaphores? Ouais, parfois. Pas souvent, mais. Mais oui, ça arrive, et quand ça arrive, c'est chouette. C'est vrai que ça fait plaisir. Je pense qu'un des textes que j'ai le mieux réussi, c'est celui de la source, justement, le dernier. Là. Ouais. Là, je trouve qu'il y a quelque chose qui est assez réussi dans. Ouais, du côté d'un peu poétique, quoi. Mais après, c'est plus ou moins bien, c'est plus ou moins. Enfin, tu vois. Mais... Est-ce que tes six chansons, c'est un flash de la vie? Un flash, une photo, un polaroid? Bah, ouais, je pense que ça photographie ouais, des moments de vie, des états intérieurs, je dirais. Et c'est pas des états tout le temps joyeux? Non. Ouais. C'est non. Ce qui est... Toi, tu écris mieux quand t'es en souffrance que quand tu vois bien. Eh ben alors ça c'est intéressant, parce que oui et non. Et c'est un truc qui revient souvent, je pense, chez les gens qui écrivent, qui peignent et tout. Qu'est-ce qui est le moteur de la création? Je pense que les événements qui t'affectent, ça alimente. Ouais. Ça donne le besoin d'écrire, d'exorciser, tu vois, ce qui te fait souffrir. Mais en revanche, si vraiment t'es pas bien au fond du trou, là y a rien qui non, sort. Non, c'est ça, ouais. Faut quand même être un peu bien. Ouais. Faut avoir vécu, mais être, tu ouais. vois, au-dessus du trou. Ah ouais. Pour pouvoir prendre l'oxygène. Oui, voilà. Et puis, en fait, moi, en tout cas, je pense que c'est valable pour plein de gens. Quand t'es vraiment pas bien, y a un truc qui est éteint. Enfin, moi, je me sens complètement éteinte, j'ai rien qui me traverse, je me sens abrutie totalement et c'est pas du tout un état propice à la culture. Non. Donc, voilà. Mais lorsque tu avais les cinq chansons, parce que la sixième est arrivée par la suite, donc tu l'as mis en sixième, est-ce qu'il y avait un classement qui se faisait automatiquement? Non, pas du tout. Non. Et en l'occurrence, oui, non, je te précise, elle est arrivée en dernier, mais je l'ai mise en premier. OK. Oui, c'est la numéro 1. Pourquoi? Parce que c'est... Bah, pour moi, c'est la meilleure. OK. J'avais envie d'attaquer le disque avec ça. Est-ce que chaque nouvelle chanson n'est pas la meilleure? Je sais pas. Non, pas forcément. Non, j'ai pas le truc genre à chaque fois, oh, c'est merveilleux, l'enthousiasme de la nouveauté, non. Non, non, je crois que j'arrive à peu près à juger. Des fois, je suis contente, mais je me dis, oh, c'est pas la meilleure, mais je l'aime bien. Mais t'es... Alors, tu es beaucoup plus près de la fille que jamais contente de ce qu'elle a... Non. Non, quand même pas, non. Je suis pas hyper... ça, on me le reproche des fois. Je suis pas très perfectionniste. Tu vois, je... des fois, j'arrive à un truc, je suis assez contente, et des fois, on me dit, bah, c'est pas mal, mais tu... ça peut être améliorant. Aïe pour l'ego, hein. Ah ouais, bah ça, mon frère, il est spécialiste de ça. Hein. Ouais, il me loupe pas, hein, je vais te dire. Mais à la fois, je sais qu'il a souvent raison. Il fait pas ça pour raison, être méchant, il fait non, ça pas pour du tout. Ouais, c'est très constructif. Lui, il veut que j'arrive à quelque chose de vraiment bien, il existe toujours, tu vois. Mais des fois, moi, je suis contente et... et en fait, non, il faut que je retravaille. Mais ouais, ça dépend. Non, je suis pas insatisfaite dans l'absolu, non. L'écho de ton ego assourdissant des ronds dans l'eau sur le lac écho. Au cœur de l'ambre, prisonnier du mystère, ton cœur de porcelaine est caché, protégé de l'atmosphère, dans l'espace l'éphémère, vole à l'horizon des dernières lueurs, comme l'éclat infini d'un astre qui lui, depuis longtemps disparu. Où es-tu? Une brume écossaise noie les châteaux et leur lumière dans les landes insulaires nappées de diamants et de feu. Où es-tu? Sur le rivage, brisé par les naufrages, poli par les soupirs, terni par l'ennui, des vagues et des vents, il est là, noyé dans un océan de silence, abîmé par l'errance, et puis d'un geste sûr, une main ramasse ce bijou de la mer et le porte à ses lèvres, ému. Tu es revenu. Une brume écossaise noie les châteaux et leur lumière dans les landes insulaires nappées de diamants et de feu. Où es-tu? Une brume écossaise noie les châteaux et leur lumière dans les landes insulaires nappées de diamants et de feu. Où es-tu? Tu es revenu. Nappée de diamants et de feu, où es-tu? Tu es revenu. Et les gens qui se sont greffés à ton disque, c'est des amis, c'est des rencontres, c'est quelqu'un qui t'a... C'est des rencontres, ouais. Ouais. C'est des amis d'amis, des connexions qui se font comme ça, et puis t'accroches bien avec des gens, et puis tu rencontres des fois... Là, en fait, l'équipe guitare, basse, batterie, c'est un groupe, ils jouent ensemble déjà, ils se connaissent tous très bien, et moi, je les connaissais un peu via d'autres gens. Puis je m'étais dit, ben, je cherchais des musiciens. Je me dis, ben, l'idéal, c'est de les prendre eux trois. Ben oui. Parce qu'ils se connaissent tellement, ben oui, ils ont cette complicité. Ben, ils se regardent, puis on y va. Mais voilà, exactement. Ouais. C'est vraiment ça, en plus. C'est... Et c'est eux qui étaient aux trois Baudets avec toi. Voilà. Okay. Plus Juliette Serrade au violoncelle, Lisa Cadbero qui a fait les arrangements, qui est aussi saxophoniste, qui joue merveilleusement bien, et Paul Galliana dont j'ai parlé, et voilà. Ouais. Et les chansons, est-ce que c'est des histoires personnelles? Est-ce que c'est des histoires universelles? Alors, je pense que ça part quand même toujours d'un truc personnel, ouais. Tu vois, qui te donne envie d'écrire, enfin, moi qui me donne le besoin un peu, ça part des fois d'une nécessité. Donc il y a un truc personnel, mais je pense que ça peut s'élargir. Et des fois, tu vois, Amer Amour de bord de mer, qui est une des chansons du nouveau disque. Ouais. Celle-là, je l'ai écrite en l'occurrence dans un train, j'étais seule dans le train et tout. Et je sais pas pourquoi, c'est l'histoire des mots qui me viennent. Amer Amour de bord de mer, ça m'est venu en tête. Va savoir pourquoi. Mm-hmm. Dans l'ordre. Mmh. Oui, dans l'ordre. C'est quand même bien. Oui, c'est comme le tiercé, hein, c'est comme le tiercé. Ouais, ben, ouais. Le bon tirage, quoi. Ouais, c'est ça. Et hasard, et mais ça et donc après j'ai déroulé le texte, mais ça renvoyait pas à un truc que je venais de vivre. Alors après, inconsciemment, je pense que c'est des histoires passées, qui sont agglomérées, digérées. Ou que t'as étouffé aussi. Oui, et voilà, qui sont ressorties à ce moment-là. Mais dans ma vie perso, ça allait très bien. Ouais. Et, tu vois et j'étais pas dans une histoire d'amer amour, quoi. Et donc voilà, mais c'est variable. Des fois c'est en prise, excuse-moi. Ouais. Non, vas-y. Non, mais des fois c'est vraiment en réaction à ce que je viens de vivre. Genre là, voilà, ça va pas, je me suis fait larguer, il faut que j'écrive. Ah, t'es plus avec la même copain que la dame. Si. Mais je veux dire, par exemple, dans Shelter, c'était un peu plus ça le ressort d'écriture, quoi. Ouais. Ça n'allait pas, rupture, et bim, il fallait que j'écrive, quoi. Ouais. Là maintenant, c'est plus toujours le cas. Mais il y avait une urgence aussi. Ouais. Hmm. Là, en fait, j'essaye d'élargir un peu les sources d'inspiration. Okay. Ça ne se voit pas non plus tout le temps, la souffrance, tu vois. Ça peut être au contraire un truc même assez positif, de faire des chansons plus solaires, j'aimerais bien. Ça doit s'oxygéner un peu. Ouais. Mais qui t'a présenté la personne qui a fait la photo? Parce que la pochette, elle est sublime, il faut en parler. Je te remercie. Il faut en parler, mais tu sais, je suis pas le premier sans doute. Là. Oui, non. Alors ça c'est intéressant parce qu'en fait moi j'avais cherché sur... Je voulais une illustration. Et j'avais cherché sur Instagram des gens. Et puis à un moment j'avais trouvé une fille, une italienne, dont j'aimais le travail. Donc je l'ai branchée sur le projet, elle m'a fait des propositions. En Italie? En Italie, ouais. Donc on parlait en anglais, on s'est changé des trucs, je l'ai jamais vue. Je l'ai jamais vu encore aujourd'hui. Non, je l'ai jamais vu. Et donc on arrive à un résultat que moi je trouvais pas mal. Et je montre ça à mon frère et à sa copine Camille, qui tous les deux ont un sens de l'esthétique et tout vraiment intéressant. Puis ils me disent, c'est pas mal, mais c'est pas au niveau de la musique. Ils me disent, ça va pas. Et j'avais pris des mois déjà à échanger, à faire des retouches et tout. J'étais là. Ah, il me dit, non, faut refaire. Avec quelqu'un d'autre, quoi. Oh, je dis, quelqu'un d'autre. Oh. Et donc il me dit, je lui dis, écoute, moi j'ai plus l'énergie de chercher de chapeauter ce truc-là, si toi tu veux trouver quelqu'un, vas-y, quoi. Et là Camille, donc sa copine, trouve Sylvie Faure, qui a fait donc l'illustration au final. Et je lui dis, banco, vas-y, on fait un truc avec elle, on essaye. Donc il y a eu plusieurs essais, au début ça me plaisait pas. Et un jour elle me dit, bon vas-y, on se rencontre, je fais une photo de toi, et je me base sur cette photo. Et donc en 10 minutes, on avait la photo, comme ça, de profil, et elle a fait le dessin, et j'ai adoré. Puis ça fait combien de clichés, ça, cette photo-là? Elle en a pris combien Je sais pas, une petite dizaine, tu vois. Mais c'était vraiment un matin pluvieux dans un square, parce qu'on habite dans le 11e toutes les deux. Et puis donc on regardait, je lui dis, ça moi j'aime bien ce profil là, ça me plaît. Ok, vas-y, je pars là-dessus. Et elle m'a fait l'illustration que je trouve vraiment sublime, avec ce côté très poétique justement qu'il y a dans le détail des vagues, nuages, dans les cheveux là. Ouais. Mais comment t'as dit ça à ton amie italienne, ou en tout cas à la... Je l'ai pas dit. Ok. Elle croit que ça fait partie de... Je l'ai payé pour le travail, mais c'était délicat après de lui dire, en fait... Ça peut être retenu. Non. Ouais. Alors, la pochette représente très bien l'album, et c'est pour ça que vous vouliez trouver la bonne image. Oui, exactement. Le truc qui donne une idée de la musique un peu, esthétique, un peu... qui plaise, qui nous plaise, quoi. Il y avait déjà une urgence, entre guillemets, de proposer un album, puisque tu aurais pu faire un album réglo, c'est-à-dire avec 10 chansons, mais tu voulais faire un EP. Ouais, t'as compris, c'est ça, c'est l'urgence. Tu travailles toujours dans l'urgence, c'est ça qui te stimule. Oui et non. Là, je considérais qu'il y avait une urgence parce que ça faisait longtemps que le premier disque était sorti. Tu vois, c'était plutôt par rapport à ça. Okay. Après, là, je vais essayer de faire vivre ce disque le mieux possible, faire des dates, nanani, mais j'ai pas l'urgence de faire autre chose, tu vois, après. Il sort quand ton album? Ben, il sort vendredi. Ok. Et oui! Hey, je suis là. Après-demain, t'arrives là! C'est parce que le vendredi, là, t'es prise un peu partout, là. C'est fou, là. Ben oui, oui, enfin, un peu partout, j'ai des trucs prévus. Ben oui. Mais pas spécialement pro, il va falloir que je sois un peu au taquet sur les réseaux, tu vois, pour en parler, peut-être un peu répondre. Cyril Haïda, je l'ai rencontré la journée de son lancement de disque. Qui ça? Cyril Haïda. Ah oui, c'est vrai. Tu connais? Oui, je vais te dire. Bon, ben, je l'ai rencontré la journée même. Génial. On était au Sancerre et je lui ai fait manger des andouillettes. Il a adoré. Ah bon? 2 ans après, il mange des andouillettes c'est là-bas. Il m'envoie un message. J'ai pensé à toi lorsque j'ai commandé mes andouillettes. Marrant. Puis il est venu faire un tour au Québec, mais malheureusement, je travaillais. J'avais 2 emplois, donc j'ai pas pu le voir. Dommage. Ah, j'adorerais aller au Québec, moi aussi. Mais donc, l'intérêt, c'était, lui, de concrétiser ça, c'est-à-dire de venir me présenter. Ouais. Ah, j'ai trouvé ça génial. Je relis ce que je voulais t'apporter le disque. C'est pas grave. Non, mais c'est pas grave. Tu m'enverras un lien. Ah, oui, mais bon. Ah, c'est pas grave. Tu m'enverras le lien. Ouais, je te l'enverrai. Ou si tu veux vraiment m'envoyer la pastille, je te laissais mon adresse okay. Dans mon studio, il n'y a pas de problème. Ok, ça marche. Donc, c'est ça, est-ce que tu t'attends beaucoup de cet album-là? Oui, parce que tu as... Oui, parce que je vais te dire, c'est la première fois que j'essaye de faire les choses vraiment bien, dans le sens où j'ai pris une attachée de presse, j'ai pris vraiment une équipe autour de moi de pros qui sont tous très doués, que ce soit les musiciens, enfin bref. J'ai fait une belle date aux Trois Baudets, enfin, j'investis sur ma pomme. Oui, c'est ça, mais as-tu fait un projet Ulule? Oui, j'avais fait, enfin, c'était pas Ulule, c'était Kiss Kiss Bank Bank, mais c'est pareil, tu vois. Donc, j'avais récupéré 5000 euros grâce à ça, et j'ai fait une demande de subvention. Ah, c'est bien, ça. Je sais pas si je vais l'avoir, mais Ah, bah, la commission de la sub, c'est aujourd'hui, figure-toi, donc je touche du bois. Que tu vas avoir le retour? Bah, c'est aujourd'hui qui décide à qui il la donne. Donc, puis c'est sur combien de personnes? Je sais pas. Mais je pense qu'il donne à 85% des projets, donc je croise les doigts pour qu'il me le donne à moi. Ok, aussi. Aussi, aussi. Ah non, mais c'est pas juste moi, c'est ça, ouais. Et ça donne quoi? Ça donne. Et bien, cette subvention, ça va me permettre de rembourser une partie des frais que j'ai avancés avec tout ça, quoi. Ça ne me remboursera jamais tout. Hein. J'ai mis de l'argent de ma pomme, mais tant mieux. Enfin, je veux dire, c'est comme ça. Mais là, il y a 5 000 euros. Qui t'ont aidé. Ouais. Il y a aussi peut-être ce projet-là et le reste, c'est toi que tu. Et voilà, exactement. Ouais. Et rapidement, comment ça peut coûter faire un. Bah là, écoute, j'ai plus les chiffres exacts, mais je crois que avec l'enregistrement du disque, le pressage, le concert, l'attaché de presse, je suis autour de 15 000 euros. Et. Ouais. Ah, c'est donc, fou. Tu vois, là, je vais peut-être. Je croise les doigts si j'ai la sub à voir dans les 5 000. Il restera 5 000. Alors, tu as mis 5 000 voilà. et le gouvernement t'a remis 5 000 plus un autre 5 000. C'est ça, à peu près. Donc oui, tu vois, et c'est que un EP, c'est que 6 titres. Ouais. Mais c'est pour ça que... Donc j'espère que ça va marcher. Mais est-ce que ça coûte plus cher faire un album de 10 chansons? Oui, parce que les musiciens restent plus longtemps. Oui, un peu plus, mais au final, mais pas beaucoup plus. Non, mais non, c'est ça. Non. Donc, non, mais bon, comme je te disais, j'avais envie que ça sorte maintenant. Oui. Donc c'est bien parce que ça sort en hiver, puis c'est un disque qui va bien avec le climat. Mais tu vois, c'est marrant que tu dises ça, parce que mon copain Gilles, initialement, il devait sortir l'été dernier. Mais il y a eu beaucoup de retard, comme il y a toujours du retard dans ces projets-là. Et puis il me dit, c'est pas une bonne période pour ta musique. Il n'y a pas de tube de l'été dans ta... C'est plus au coin du feu, il faut que tu sortes ça l'hiver. Et donc finalement, là, par la force des choses, j'ai sorti ça l'hiver et c'est pas mal. Est-ce que c'est difficile de trouver, de s'arrêter sur un moment, la date et... Bah, en fait, ce qui est difficile, c'est de respecter les dates que tu choisis à l'avance. Ouais. Et là, ça a été repoussé plein de fois. Ça devait sortir au mois de juin, après début octobre, après en décembre, finalement en février. Donc, Mais la joie de recevoir la boîte remplie de disques. Ah ouais, c'est super. Ouais. J'ai adoré ça. Et là, en plus, je vais avoir des vinyles que j'ai pas encore reçus. Hey, c'est un luxe. Ouais, gros luxe. Hey, combien de vinyles? 300. 300 CD, 300 vinyles. Donc ouais, je suis contente de ça. C'est parce que je me dis, justement, on a une belle pochette et tout. Moi, j'adore les vinyles, j'en ai plein chez moi, j'aime l'objet, tu vois. Donc voilà, avoir mon propre vinyle. As-tu une boutique en ligne ou Eh ben moi j'en ai pas, mais en fait tu peux le trouver. Il y a plein de sites qui le vendent, qui le vendront. En tout cas, le CD là dès vendredi et le vinyle un peu plus tard parce que je les ai pas encore reçus. Mais et t'as-tu hâte de voir ton vinyle? Ouais. Ah bah oui. Est-ce que c'est la pochette s'ouvrira pas, mais quand même, on va avoir la grosseur du vinyle. Ouais, t'as la taille du vinyle, ouais. T'auras la pochette intérieure avec les paroles, ouais. Ce que comme, t'as pas dans le disque. Comme ce qu'on veut dans le vinyle. Bah ouais, voilà. Ouais. Les plus grosses images, sentir quand tu ouvres, le plastique, ouais. Du vinyle. Ah oui, moi aussi, je suis retourné au vinyle. Ah, c'est bien. Mais, bah, mais j'ai encore des CD, mais oui. Le vinyle... Bah ouais, c'est vrai. Puis c'est un son plus rond. Bah ouais, et puis ouais, je pense que alors après tout dépend de la platine, ouais. Ouais, mais le système que t'as, tout ça, c'est un peu complexe, ouais. Mais en tout cas, ouais, c'est vrai que t'as la sensation de ça. En fait, moi, je sais pas, quand je mets un disque sur ma platine, j'ai l'impression que c'est mieux. Ouais, bah oui, bah en plus il y a le même soufflé du début. Ouais. Après ça, on y va. Une ambiance, ouais, c'est ça, exact. Puis quand la chanson est terminée, on entend le silence puis les sillons qui craquent un peu. C'est le charme du vinyle, quoi. Même les Rita Mitsuko dans No Comprendo avait fait une chanson où ça scratchait comme ça. Ah ouais? La chanson, ça... Ah, puis, ça faisait partie du truc. Mais après la deuxième édition, ils ont indiqué que c'était normal. Hein, parce que les gens retournaient le vinyle. Retournaient le CD. Oui, mais imagine, c'est un CD, il y a tout l'air imbécile. Comment ça peut faire ça? C'est impossible. Oui. C'est... Mais les gens qui connaissent pas vraiment la. Ben oui, c'est ça. Mais ils ont écrit après la deuxième traduction que c'était moi, c'est ça. Comme tes mots écrits dans la buée, mon horizon s'est effacé. Les jours s'en vont, pourtant mon chagrin reste. Cette ombre de moi-même, je la déteste. Tu restes immobile à chercher tes mots. Tu t'enlistes, désole un peu trop. T'as perdu le fil, la notion de beau, de bien, de doux, de vrai ou faux. Tu cherches un exil, un ailleurs. Thank you. si tu étais un mot? Regarde-là, hein? Ah ouais, ouais, là c'est dur. L'espoir? Espoir, ouais. Ouais. Ouais. Ouais, parce que, bah ouais, voilà. J'aime bien. Si tu étais un aliment? Un aliment. Ouais, c'est dur là aussi, hein. Est-ce que tu te considères comme une épicurienne ou... Ouais, quand même. Ouais? Ouais, ouais, ouais. Tu aimes la bonne nourriture, le bon vin? Ouais, j'adore ça. Ouais, ouais. Pas hédoniste, hein. Vraiment non, pas, tu non, vois, non. Dans la mesure. Ouais, ouais. Mais oui, oui, j'adore saisir le moment présent. Ouais. Je sais apprécier ça, tu vois, les bonnes choses, le bon café, les bons plats. Ça me réjouit. Ouais. Donc, l'aliment, ça peut être plein de choses. Oh là là, qu'est-ce que je pourrais te dire? Je sais pas, un très bon fruit d'été. Ok, ouais. Parce que j'adore l'été. J'aime croquer dans le fruit. Là, tu sais, les premières fois où tu manges les premières cerises ou les premières fraises, Mais les nos fraises, abricots délicieux, Et nos fraises, là, à l'île d'Orléans, c'est merveilleux. Ah ouais, c'est vrai? Oui. Et puis en plus, ils en cueillent à peu près 5 mois par année. Avant ça, c'était 2-3 mois, mais là, c'est 5 mois. Puis plus elles sont grosses, plus elles sont sucrées. Ah ouais, c'est bon. Ça, c'est délicieux. Et si tu étais une saison? L'été. L'été, j'adore la légèreté de l'été, les possibles de l'été, la nuit qui s'étire, la lumière, la mer, enfin tout. Quoi. La première fois qu'on s'est rencontrés, j'organisais un spectacle sur la rue des Abeilles. Oui. On s'était vu sur Internet et tu m'as dit, on se connaît pas, mais est-ce que je peux venir chanter des chansons? Et tu étais venue avec ton amie. Oui, j'étais venue avec Florence Grimezen. Est-ce que tu la rencontres encore, Florence? Bien sûr, c'est une de mes amies les plus proches. Elle n'est pas sur ton disque? Elle a fait des chœurs. OK. Ouais, elle a fait des chœurs. Et on chante toujours un peu ensemble. Ça fait un moment qu'on n'a pas fait de concert parce qu'on est prise un peu par nos vies voilà, en ce moment, c'est assez occupé. Mais je vais certainement la voir dimanche et on va certainement faire de la guitare ensemble. Tu lui diras bonjour dans ma part. Ouais, avec plaisir. Si tu étais un membre corporel. Ah! Un membre. La bouche, la voix. Ouais, ton moyen de communication. Ouais, de, ouais. C'est ce qui te permet de vivre. Bah oui. Ouais, ouais. Si tu étais un moment de la journée. Bah le matin, je crois que j'aime bien. Avec le café. Ouais. Mais ben, quand on s'est rencontrés la deuxième fois, après le. Ouais. C'était très tôt, il était 9h et, demie et tu n'étais juste de te. Oui. C'était merveilleux. C'était merveilleux. Si tu étais t'avais encore un peu l'oreiller sur. Si tu étais un autre individu. Ah! Alors forcément quelqu'un que j'admire. En fait, c'est compliqué parce que dans les gens que j'admire. Souvent, c'est des gens qui ont des vies un peu difficiles, charrient des trucs. La première qui me vient en tête, c'est Cat Power, parce que c'est une chanteuse que j'adore. Ouais. Je la trouve archi talentueuse, très belle. Donc voilà, elle vit super bien, elle est archi douée. Enfin, mais je sais que psychiquement, c'est pas facile. Donc je sais pas en fait. Peut-être quelqu'un de moins doué, mais plus heureux. Mais je sais, j'ai pas de. mais peut-être que. Elle est heureuse lorsqu'elle est dans la création. Je pense. Ouais. C'est ce qui la sort aussi. Je pense qu'elle est très torturée. Ouais. Elle est assez suicidaire. Je crois que c'est. Je me demande si elle n'est pas bipolaire, une maladie quand même assez lourde. Ben, c'est comme Corey Amos, une femme qui était très torturée, qui s'est fait violer. Oui. Tout début, lorsqu'elle. Elle se promenait en vélo de salle en salle pour faire des spectacles, là, parce qu'elle faisait 2-3 chansons. Et s'était fait violer. Ah merde, ouais, bah, malheureusement, je crois qu'il y en a pas mal. Hein. Sur son deuxième album, elle en parle. C'est la chanson à capella, là. Très touchant. Bah, Fiona Apple aussi, je sais pas si tu vois qui c'est. Qui? Fiona Apple. Ben oui. Bah, pareil, hein. Ben oui. Mais elle a percé fin des années 90. Oui. Après ça c'est comme. Vrai qu'on l'a moins entendue. Oui. Mais. Je crois qu'elle fait toujours de la musique. Oui. Mais elle a un album live incroyable. Ah, oui? Je crois qu'il y a 6 titres, c'est merveilleux. À choisir, est-ce que tu ferais le même chemin? Bah, si c'était à refaire, je ferais le même chemin, mais je commencerais plus jeune. Ouais. Parce que je saurais que c'est ça que je veux faire. Parce qu'en fait, moi, pendant plein d'années, tu vois, je savais pas du tout ce que j'allais faire de ma vie. j'étais à la fac, je fais une première fac, une deuxième fac, je suis venue à Paris faire des études de médiation culturelle, et tout, pendant toute cette période, c'était très très flou, tu vois, je savais pas que la musique, ça allait me tenir comme ça. Et c'est ça qui t'a formé, en même temps. Ouais, t'as raison, c'est un chemin, hein. Ouais. Si j'ai fait ce que j'ai fait après, c'est parce que j'avais certainement vécu des choses avant qui m'y ont conduit, hein, mais... Puis ça t'a rendu plus mature, peut-être, aussi. Ouais. Ouais, ouais, finalement, c'est pas si mal. mais tu modifierais des choses dans la chronologie. Ouais, j'éviterais quelques écueils. Ouais. Parce que, mais comme on a tous, hein, on perd tous du temps à faire des trucs, et on se rend compte que c'est pas notre truc, tu vois. Puis surtout que notre temps est limité, notre temps est compté. Bah, c'est ça. Ouais, c'est ça qui est cruel, hein. Bah, oui, c'est cruel. Ouais. Mais c'est ça qui donne sa saveur à la vie. L'élan. Bah, ouais. Parce que s'il n'y avait pas de limite, bah, on ferait rien, ouais, finalement. Être éternel, là. Oui, ça serait long. Surtout vers la fin. Oui, c'est comme ça. Ça, c'est Woody Allen. Bon, je voulais le dire aussi, ça vient pas de moi. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, et tes projets à venir? Eh bien, mes projets à venir, c'est donc d'essayer de faire tourner ce disque, oui, de le faire connaître. J'espère vraiment avoir des concerts bientôt. Et puis, continuer parallèlement à ça, les voix off, développer des projets que je trouve intéressants, parce que j'adore ça aussi. Moi, dès que je suis derrière un micro, hein, je trouve ça formidable. Et puis, continuer à vivre heureuse avec mon mec, avec mes amis. Mais ça fait longtemps que tu es avec ton copain. Hein. Là, ça va faire 4 ans et on est bien ensemble. Au moins, tu as passé les 2 années. Les 2 années, ouais, c'est... Hein, ouf! Quand tu sors de là, tu dis, OK, on est prêt, on est galvanisé. Ouais, on va pouvoir se lancer encore pour plus longtemps. Mais c'est dur de trouver son... peut-être pas son alter ego, mais la personne qui nous correspond. Oui, c'est très dur, parce que moi, tu vois, vu l'âge que j'ai, ça m'a pris quand même des années. Tu te sens comme une mémé? Non, quand même pas. Des fois, ouais. Okay. Oui, certains jours, tu vois. Oui, c'est ça. En me levant le matin, mais après 2 cafés, je me sens plus jeune. Ouais. Mais écoute, hein, franchement, la vie est belle. Il faut que ça continue, quoi. Mais on est du bon côté aussi. Bah oui. Pour que la vie soit belle. Bah oui, je suis bien d'accord. Mais c'est important de se le rappeler, quoi. Oui, ah oui, oui. Dire, ça va pas forcément super bien tous les jours, mais quand même, on a beaucoup de chance, tu vois. Nous, malgré tout, sans entrer dans les détails. On a un toit. On est chauffé, on peut manger, on est habillé. On souffre pas. Voilà, c'est ça. Ouais, franchement. Ouais. On n'est pas dehors, que ce soit un matelas. Oui, quand tu vois tout ce qui se passe en ce moment, franchement, c'est tellement terrible que oui, il faut s'estimer chanceux et voilà, et pas oublier ça, quoi. C'est vrai. Donc voilà, non. Pourvu que ça dure, pour nous, écoute, hein, de faire ce qu'on aime, c'est merveilleux. C'est vrai. Ça nous aide à vivre. D'être entouré de gens chouettes, qu'on choisit, qu'on a la chance de rencontrer et qu'on choisit après de garder auprès de soi. Ouais. Et voilà, ça aide, ouais. Écoute, on va t'écouter. J'espère bien. On va en profiter. Et au plaisir de se revoir. Avec grand plaisir. Toujours chouette de te voir. Moi aussi. Et j'espère qu'un jour, j'aurai la chance de te voir sur scène. J'espère bien aussi. Écoute, il faudra que j'organise un concert en février. Non, mais en juillet peut-être ou en aussi. En juillet. On va voir mes finances, mais peut-être Oui, je te souhaite de pouvoir venir. En juillet, tu peux faire beaucoup de spectacles, surtout après. Oui, c'est peut-être plus facile, même un petit truc, tu vois, pas prévu très longtemps d'avance. Écoute, on verra. Je vais m'y atteler et puis voilà, je te tiendrai au courant. J'ai bien hâte de voir la réception de ce disque-là, mais ton entourage est quand même très positif. Oui, l'entourage est enthousiaste et tout. Donc, j'espère que il arrivera dans les oreilles de plein de gens et que ça En tout cas, sur Flip, ça roule au moins. Sur Flip, ouais. Mais la première fois que tu t'es entendu, qu'est-ce que ça t'a fait? Je me suis pas entendue, moi, vraiment en direct. Okay. En fait, je suis pas tombée dessus. Okay. Tu vois, là, ça m'aurait fait, je pense, un petit choc. Oui, c'est ça. OK, c'est les amis. C'est les gens qui m'ont dit, voilà. OK, mais après coup. Après coup, j'ai trouvé ça génial. Je veux dire, tu pouvais pas... OK, je suis diffusé, j'écoute. Parce qu'en fait, à chaque fois que c'est arrivé... J'étais en cours de guitare ou j'étais dehors. Enfin bref, je pouvais pas. raté le coche à chaque fois. Non, mais tu sais, anciennement, on avait un magnéto puis si on voulait enregistrer des chansons... On est passé à côté. On enlevait les publicités. C'est fou. C'était sympa. Parce que ça n'existait pas, les MP3. Hein. C'était nos cassettes. Non, les cassettes. C'était les 4 tracks. Mais c'était sympa. C'est vrai. Mais merci. Puis aujourd'hui, on vient au vinyle, donc ouais, tant mieux, voilà. Tant mieux. Hey, mais je suis content que tu fasses un album vinyle, parce ouais, que c'est aussi. Vraiment... Puis 300, c'est beaucoup, 300. Ouais, bah c'est beaucoup, et en même temps, c'est le minimum. Enfin, ah oui, OK, tu peux pas faire un pressage de 200, moins. C'est 300, ouais. C'est, ouais, enfin là, en tout cas, avec la boîte que j'avais prise, là, c'était 300 minimum. Alors peut-être, il y a peut-être d'autres endroits où tu peux faire moins, mais, ouais. Mais bon, bref. Ouais. Donc ouais, je suis très contente de ça, ouais. Ouais, ouais. Ben écoute, j'espère que vous le vendrez. On va souhaiter le meilleur. Ouais, merci puis beaucoup. Puis on se retrouve le plus tôt possible. Eh ben écoute, quand tu veux. À la voyeur. À la voyeur. Salut. Salut. M'alanguir dans la chambre claire de ton regard, qui révèle les ombres et la lumière, dévoile l'étrange et le mystère, voir des trésors dans les débris de ma vie, des landes infinies d'envie, des songes de l'or dans la nuit, tresser des fils de soie, de toi et moi, et dessiner l'enfant qui dort dans nos bras. J'ai ça. M'étourdir dans la chaleur vive de tes bras qui m'enlacent et m'entourent en guettant la naissance du jour, danser sur un fil autour de la nuit et puis rêver à l'aurore sur le port de Tanger, tresser des de toi et moi, et dessiner l'enfant qui dort dans nos bras, tresser des fils de soie de toi et moi, et dessiner l'enfant qui dort dans nos bras. J'ai ça. Chers amis, si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois.